La route est à chaussée séparée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 70 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.